Lors de la session plénière de la deuxième période de la conférence de Genève pour le désarmement, la délégation coréenne a précisé le 13 courant sa position à propos de son lancement expérimental fructueux des missiles de croisière Solmer. Nos mesures de renforcement de la puissance défensive du pays sont l'exercice loyal pour défendre le destin et la souveraineté de la nation et préserver la paix de la région face à la politique d'hostilité scélérate contre notre République et les menées de menaces et chantage nucléaire des États-Unis qui continuent de siècle en siècle. C'est le droit légitime d'un État souverain que nul ne peut critiquer. L'époque où les États-Unis imposaient arbitrairement leur volonté aux autres pays en exerçant l'arbitraire et la tyrannie est à jamais finie et la fanfaronnade à l'américaine qui ne frappe que les pays faibles ne passe point avec nous. Les États-Unis doivent savoir correctement que leurs pressions militaires et sanctions ne font qu'impulser plus le renforcement de nos armements nucléaires. La délégation coréenne a souligné que nous prendrons davantage de mesures pour renforcer le potentiel militaire du pays, notamment la diversification et la sophistication des armements nucléaires, jusqu'à ce que les États-Unis et leurs suivistes reprennent ces esprits et fassent un choix correct.